Le tombeau du conquérant. À l'ombre de la voûte en fleurs des catalpas et des tulipiers noirs qu'étoile un blanc pétale, il ne repose point dans la terre fatale. La Floride conquise a manqué sous ses pas. Un vil tombeau, messier, à de pareils trépas. Linceul du conquérant de l'Inde occidentale, tout le méchant sébé par-dessus lui s'étale. Le peau rouge et l'ours gris ne le troubleront pas. Il dort, au lit profond, creusé par les eaux vierges. Qu'importe un monument funéraire, des cierges, le psaume, et la chapelle ardente et l'ex-voto, puisque le vent du nord, parmi les cipières, pleure et chante à jamais d'éternelles prières sur le grand fleuve, où gît Hernando de Soto.